Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous voici repartis pour une demi-heure de funk et de disco. Et pour commencer, quoi de mieux qu'une découverte? Qui connaît Gang Is Back et leur titre I Will Take Some of That? Pas grand monde, je suppose. Et comme souvent, je suis tombé dessus par hasard. Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose sur eux, mis à part que le groupe est californien et qu'il fut fondé en 1976. Ils sont 6 membres et ils ont sorti 2 albums durant leur carrière qui va s'achever courant années 80. Le morceau que l'on va écouter est extrait de leur premier album éponyme. C'est parti! See what I'm saying here? Straight ahead. You and me. Ain't nobody bad like us. C'est le retour des 100 hits qui ont fait le disco. On s'attaque aujourd'hui à un des groupes les plus connus du genre, j'ai nommé ABBA. Comme vous le savez, le nom du groupe correspond aux initiales des personnes qui le composent. Alors en 1976, la carrière du groupe est déjà bien lancée avec Waterloo, qui gagne le concours Eurovision 1974. Le groupe aborde le disco par le prisme de la pop et compose Dancing Queen. La chanson, elle parle d'une jeune fille qui ne vit que pour la danse. ABBA ne cache pas que le groove est basé sur celui de Rock Your Baby de George Macrae. Les montées de violon qui introduisent le refrain, les réponses au chant par le synthétiseur ou le son bien particulier du piano, tout est à sa juste place. En 1980, pour répondre à son triomphe en Amérique du Sud, ABBA va réenregistrer un album de ses plus grandes chansons dans des versions espagnoles. Alors, pour tous les Espagnols, Dancing Queen deviendra la reina de baile. Dancing Queen, ça va rester le plus grand hit de leur carrière. Allez, maintenant, place à l'écoute. See you. Project, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. On va s'intéresser au classement de janvier 1985. Et qui occupait la première place à cette période ? Eh bien, c'est notre ami Stevie Wonder avec I Just Call to Say I Love You. Extrait de l'album The Woman in Red, paru en 1984, I Just Call to Say I Love You fut au centre d'une polémique. Le compositeur Lee Garrett attaqua Stevie Wonder au motif de plagiat de sa chanson I Just Call to Say. Ces allégations furent bien évidemment abandonnées comme étant sans fondement. En France, elle fut l'une des rares chansons à avoir été numéro 1 hors top 50, avant sa création bien sûr, et dans le top 50 dès qu'il fut créé. Alors c'était en 1985 et ça donnait ça. No news. I just call to say how much I care. le maxi On y va, on y va. Un titre qui n'est pas passé depuis un bail dans notre rendez-vous, c'est Flashback du groupe Imagination. Et il est extrait de l'album Body Talk, c'est le premier album du groupe, et la chanson, bah, malgré son succès, ne fut jamais classée numéro 1. Elle sort en novembre 1981, et c'est comme toujours du très très bon. Je vous laisse seul juge. Thank you. pour la pépite, on va se faire une tranche de Casey and Sunshine Band. Un titre hyper connu, que je ne connaissais pas bien sûr, c'est Queen of Clubs. Paru en 1974, c'est un des premiers tubes disco. Alors il contribuera à faire connaître le groupe et lancer sa carrière. Le morceau, bah, il est écrit par le leader du groupe, Harry Casey. Vous vous rappelez de leur saga fin novembre? J'espère bien. Ça va vous y faire penser. C'est parti. Voici à la fin de notre rendez-vous. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.